Eh bien bonsoir à toutes et bonsoir à tous, vous êtes bien sur Fadjet, nous sommes le mercredi 29 octobre et il est 20h01 pour l'émission Music Live avec Lionel ou Yo aux manettes. Vous le savez, je vous le dis de chaque fois, la musique est vivante, alors il faut l'écouter en live et aller au concert pour mieux découvrir les artistes et leur musique. Alors ce soir, c'est une première. Nous inaugurons une nouvelle thématique dans l'émission qui s'intitule « La setlist de notre invité ». Je vais donc recevoir mon invité qui va nous expliquer qui il est, ce qu'il fait, et je lui laisse ensuite les clés du studio pour nous faire découvrir sa setlist d'artistes et de chansons qu'il aime, en live bien sûr, et les raisons de son choix. Ça va? Tout est prêt? Vous aussi? Alors générique Patrick! Avec Yo sur Fadjet, les derniers mercredis du mois à 20h. Eh ben bonjour Antoine. Salut Lionel, merci pour l'invitation. Ouais, notre invité, donc Antoine HLT, vous le connaissez, vous le voyez souvent, vous l'écoutez souvent sur les ondes de Fadjet. Et puis, il est quand même connu sur Nancy dans toute la région. Tu vas bien? Ça va super, et toi? Ben écoute, impec. Dis-moi, tu connais bien donc toi la maison Fadjet aussi. Est-ce que tu peux nous faire un court résumé de ton parcours et surtout nous donner tes actus et tes projets? Court résumé de ma carrière, ben, je suis un auteur, compositeur, interprète de la région nancéienne. J'ai sorti 3 albums, dont le dernier sorti l'an dernier, en 2024. Donc dans un registre chanson pop française. Et mes actus, c'est que je travaille sur 2 nouvelles chansons. Voilà, c'est une exclue pour toi, Lionel. Wow. On est en studio, même en tournage, pour des prochains clips à découvrir incessamment sous peu. Je donne jamais de date tant que c'est pas fini. C'est ton combien l'album? Ce sera le 4e. Alors, on s'est connus, nous, on en discutait juste avant. Moi, je croyais que c'était le 2e, mais non, c'était après la sortie du premier album. Oui, t'es apparu même dans le clip Les Grands Hommes de l'Inconnu, ouais, qui était dans le premier album. Ouais. Voilà, bon, allez voir ce clip. C'était réalisé par un très bon réalisateur. Oui. C'est pas moi. Oui. T'avais Mathieu Blanc, un très bon réalisateur. Ouais, t'avais une bonne équipe. Alors, dis-moi, pour que les auditeurs se fassent une idée plus précise de toi, je te propose de t'écouter en live. C'était il y a quelques mois, un enregistrement live au Théâtre de la Foucotte à Nancy, dans une chanson de ton répertoire, c'est la chanson Non, Non, Non, voilà un titre clair, carré, précis, on t'écoute et on se retrouve juste après. Mario se lève tous les matins, va au boulot comme les copains. Très fidèle et sans histoire, ne court après aucune gloire. Toujours d'humeur au coup de main, veut faire plaisir à son prochain. Mario s'est connu, les gentils. Mario, lui, il dit toujours oui. Mario, tu peux me remplacer. Mario, une heure sup pas placée. Petit mot lui fait défaut, il aimerait parfois dire tout haut. Non, non, non, ah, ah, ah, ah, non, non, non, ah, ah, ah, ah, non, non, non, ah, ah, ah, ah, non, non, non, ah, ah, ah, ah. Mario se fait tous les matins chambré avec des mots taquins. Mario s'est connu, les sympas, il dira rien, alors on y va. Oh, c'est pas méchant qu'ils disent tous, mais légèrement douce. Mario sait qu'il est salutaire, ce mot qu'il ne faut parfois taire. Allez, à vous. Partage des idéaux, plus besoin de le dire tout haut. Non, non, non, ah, ah, ah, ah. Non, non, non, ah, ah, ah, ah. Non, non, non, ah, ah, ah, ah. Non, non, non, ah, ah, ah, ah. À ceux qui n'y voient que faiblesse, fuite et non chemin de traverse, sachez qu'inutile est ce mot quand arrive la dame à la faute. Merci beaucoup. Bon, super chanson. Non, non, non. Merci. On se retrouve sur Fadjet dans l'émission Musique Live avec notre invité Antoine Achelté. Alors dis-moi Antoine, tu nous as parlé de ton travail actuel sur le projet d'un nouvel album. On dit rien. Et ces derniers mois, je sais que tu as fait pas mal de tournées, de concerts. Oui, c'est vrai que ça, on en a fait pas mal cet été, des scènes intéressantes. Du coup, on est passé à la Foire Expo de Nancy. On a été finaliste d'un tremplin sur Brassens, là, dans l'Ain, à Charavine. Et puis, voilà, il y a eu pas mal de choses, des concerts privés, des concerts pour des associations. Super. À Pulnois, etc. Super. Donc là. Il y en a d'autres qui sont prévus après. On peut le dire, comme on enregistre l'émission en avance, je préfère que vous alliez voir directement dans mes actus, des fois que les dates aient changé ou qu'il y en ait d'autres en plus. Sur mon site antoinehlt.com ou sur mes réseaux, tout est annoncé et mis à jour en temps et en heure. Ça, je me doute bien. Bon, dis-moi, justement, quand tu prépares tes concerts, comment fonctionnes-tu? Tout est déjà écrit et chacun joue sa partition au niveau de tes musiciens? Ou tu aimes aussi laisser l'initiative de proposition à tes musiciens pour pouvoir voir, parfois même réarranger un petit peu les titres sans les dénaturer, mais pour les adapter à les versions live sur scène? Ah oui, oui, non, alors vraiment là, en général, j'envoie les chansons. Éventuellement je dis à peu près ce que je veux, mais là c'est vraiment un travail d'équipe quoi. En plus le travail d'adaptation est nécessaire puisque en général j'ai beaucoup d'instruments sur les albums et puis on est en formule duo ou trio sur scène, donc il faut effectivement réadapter, réarranger voilà, pour certains moments on utilise aussi du looper pour enrichir ou des backing tracks, c'est-à-dire une partie des instruments qui sont sur bande pour enrichir. Voilà, après c'est bien aussi d'avoir sur scène une version un peu différente Donc, et en même ça temps, fonctionne bien comme ça, donc on continue. Souvent, on se rend pas compte du boulot que ça représente. On se dit, oui, en studio, on y passe des jours, des nuits. Mais pour préparer un spectacle, c'est aussi comme une pièce de théâtre. Je veux dire, il y a aussi des tableaux, il y a aussi de la technique, du son, et puis les arrangements musicaux. Parce que... Et ben justement, celui de La Foucotte, là, dont on a passé un extrait, ça a été un peu une gageure, parce que j'ai dû remplacer un artiste à un mois et demi de la date. Et du coup, il a fallu écrire ce spectacle, le répéter en très peu de temps. Mais je pense qu'on a produit quelque chose d'assez complet avec une mise en scène, une progression, des lumières. Je pense même qu'ils étaient étonnés à La Foucotte parce que c'était un peu dans l'urgence. Et finalement, j'arrivais à quelque chose, j'espère, d'assez abouti, enfin à la mesure de mes moyens. Hein. Non, on te connaît, on sait que tu ne fais pas les choses à moitié. Et, voilà. Il y avait une question que je voulais te poser parce que j'aime bien aussi rendre hommage aux musiciens. Oui, hein. Bien sûr. Donc là, tu tournes en... Vous êtes quatre ? Trois. Bon, on est trois, voilà. Trois. Mmh. Tu peux me dire qui fait les musiciens ? Et oui, il y a Antoine Bridet à la guitare, au chœur, au looper. Et puis il y a toute la technique. Hein. C'est lui qui gère tout ça. C'est très bien. Ça, je peux déléguer. Ça l'intéresse. Moi, je ne maîtrise pas trop. Enfin, j'apprends avec lui. et puis il y a Pierre Merciol que vous connaissez bien, Fadjet, ben, puisqu'il anime aussi ses émissions. Donc lui, à la clarinette, aux flûtes et au chœur également. En tout cas, ça donne un super résultat. On a écouté à la store, on en écoutera un autre plus tard. En tout cas, ça donne un super résultat et c'est vraiment très bien. Bon, on arrête la petite interview. Maintenant, je vais aller boire un café, je vais te laisser les clés du studio. Et puis, tu vas commencer à nous faire connaître la setlist que tu as choisie, puisque c'est le but de l'émission. Oui. Tu as choisi donc différentes... chansons et artistes. Oui. Voilà. Alors, pour débuter, je te lance juste, hein, puis après, c'est toi. Pour débuter, t'as choisi qui, quelle chanson et pourquoi? Alors, bah, déjà, oui, vous allez voir, j'ai préparé quelque chose d'assez éclectique. Donc, j'ai pris des indéboulonnables pour moi, des nouveaux talents, et puis des choses qui sont peut-être un peu plus surprenantes quand on me connaît, et quand on me connaît très bien, un peu moins. Mais voilà, donc, on commence par un indéboulonnable, justement, pour moi, c'est le groupe Mécano. Donc, connu en France pour deux ou trois tubes, mais qui a une beaucoup plus grosse carrière en Espagne, et c'est vraiment, un phénomène en Espagne. Alors maintenant, il ne tourne plus, la chanteuse continue toute seule, malgré tout. Mais je trouve ça bien. C'est un des rares groupes dont je peux dire que j'aime tout, à une ou deux exceptions près, et encore. Et ça, c'est... Voilà. Et cette chanson a une saveur particulièrement. Alors, il se trouve que justement, comme je l'écoute depuis assez longtemps, cette chanson-là, bah voilà, c'est en espagnol. Je parle un peu espagnol, mais des fois, bon, le sens m'échappe un peu. Puis un jour, j'ai eu un déclic sur cette chanson. Je me suis dit, tiens, en fait, de quoi ça parle? En fait, El peón del rey de negras, c'est le pion du roi des noirs. Donc, c'est toute une symbolique sur un jeu d'échecs en métaphore avec la vie. Et puis, il y a beaucoup de messages politiques sous-jacents. Je trouve cette chanson très, très forte. Et quand j'ai découvert le sens réel, j'ai eu vraiment un électrochoc pendant plusieurs jours. J'arrêtais pas de l'écouter, me dire, mais c'est incroyable. En fait, tout, chaque mot est à sa place. Et puis, bah, le live rend justice à la chanson. J'allais dire, faut les voir sur scène. Maintenant, ils ne tournent plus, mais la chanteuse a une sacrée énergie. Et voilà, ça, c'est du vrai show et c'est beaucoup d'émotion. J'adore. Alors, on va s'en rendre compte tout de suite. C'est parti, Mécano. Buenas que ver. On continue avec une autre de mes indéboulonnables, c'est Anne Sylvestre, une reine de la chanson française avec un répertoire très riche. Et là, j'ai choisi une chanson humoristique, peut-être même au moins une des plus drôles de son répertoire. Voilà, je m'en lasse pas. Allez. Si vous voulez que je vienne admirer votre domaine, sur vos poutres m'extasier et renifler vos rosiers. Si vous voulez un dimanche me recevoir sous vos branches, et s'il vous faut un appât, surtout ne me dites pas. On fera une grande balade, déjà ça me rend malade, déjà ça me fait boiter. Je hais les grandes balades, presque autant que l'escalade, le camping, le karaté. Le silence me rend zinzin, et puis y a pas de magasin. Je sais déjà on complote de me passer d'anciennes bottes, et puis on va m'affubler de vieux velours côtelés. Pour corser un peu l'épreuve, il se pourrait bien qu'il pleuve, on va pouvoir patauger, heureusement que je sais nager. On va faire une grande balade, vous parler d'une rigolade, à quelle heure on va manger. J'ai les jambes en marmelade, ça me flanque la pelade, des crampes et des gants aux pieds. On vient de pas me raconter que c'est bon pour la santé. Je sens une idée qui germe, on va passer par la ferme, on achètera des œufs, déjà qu'on était vaseux. On va cueillir des noisettes, me casser une dent, c'est chouette. Il y a des murs, vous avez vu, et un pantalon de foutu. En route pour la grande balade, plus question de dérobade, on va me trouver grognon. Dans les ronces, je gambade, en rêvant de persillade. Ils sont où ces champignons? J'ai de la chance, vous verrez, on va tous s'empoisonner. Pour rentrer, je le redoute, on va prendre une autre route. Ça va un peu rallonger, c'est pour voir le potager. On va marcher dans la crotte pour admirer des carottes et rapporter des dahlias, il y a les mêmes en bas de chez moi. On a fait une grande balade, arrêtons les jérémiades, on va boire un coup, c'est bien. À la prochaine embuscade, je me fais porter malade, la grippe c'est pas pour les chiens. Si la grippe c'est pas assez, j'irai jusqu'à trépasser. Et je vais pour me remettre, faire 500 km avec le pied au plancher, ça va me rabibocher. C'était Anne Sylvestre, Les Grandes Balades, live à l'Olympia en 1998. Et maintenant, on enchaîne avec un tout autre univers, Jean-Luc Ponty, qui est un musicien de jazz. Donc là, c'est un morceau extrait d'un album de jazz fusion avec des sonorités africaines qui s'appelle Muna Boa. L'album s'appelait Chocolat. Et ça, mes parents écoutaient beaucoup de jazz. Et voilà, alors ce morceau-là, je demandais à ma mère de le remettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'en étais fada quand j'étais petit, elle me l'a mis sur une cassette et elle en avait ras-le-bol, elle a dit écoute-le dans ton coin. Et voilà, mais je trouve, encore maintenant, c'est, pour moi, il a été touché par la grâce divine, la mélodie est magnifique, le son du violon électrique est superbe, et la version live l'est tout autant. En général, ça me met toujours la chair de poule et les larmes aux yeux. Thank you. ça a pas loupé, j'ai les poils. C'était Jean-Luc Ponty, Mouna Boa. On enchaîne avec un jeune artiste qui s'appelle Célestin. Et j'ai choisi un live qui s'appelle Poussière de Luxe. Alors je pense que c'est un artiste qui est assez voisin de moi finalement au niveau univers musical, puis alternance entre chansons acoustiques, chansons plus électroniques, un peu plus rétro. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette chanson, c'est qu'on a l'impression que ça commence comme une chanson humoristique un peu badine avec des jeux de mots, et au final derrière il y a un vrai message. J'aime beaucoup, c'est parti. J'ai vu de l'obscurité. C'est moi qui viens d'emménager dans le cercueil d'à côté. Comme on est là pour un moment qui pourrait bien s'éterniser, je me dis que ce serait plutôt charmant si on pouvait sympathiser. On pourrait se raconter nos morts en sirotant une mise en bière, jouer aux osselets ou même encore filer des trucs anti-poussière. Car je devine à ce qu'il vous reste de peau que nos convictions divines s'affrontent autant que nos drapeaux. Moi je suis de la poussière supérieure de luxe, et je le prouve à ma blancheur de l'os. De mon humus naîtront des fleurs de lys. Pas de place pour le valet noir dans le cœur. Inhumain, lui dit le nouvel inhumé. Vous n'êtes vraiment pas très sapin, je me retourne dans ma tombe à jamais. Moi j'en tire cette moralité, la bêtise humaine réussit. Un prodige d'immortalité grâce à tous ceux qui croient ceci. Moi je serais de la poussière supérieure de luxe, je le prouverai à ma blancheur. De mon humus naîtront des fleurs de lys. Pas de place pour le valet noir dans le cœur de l'as. La poussière de luxe. Je serai de la poussière supérieure, de la poussière de luxe. Je le prouverai à ma blancheur. La poussière de luxe. De mon humus naîtront des fleurs. La poussière de luxe. Pas de place pour le valet noir dans le cœur de l'as. Moi je serai de la poussière supérieure de luxe. Je le prouverai à ma blancheur de l'os. De mon humus naîtront des fleurs de lys. Ma place pour le valet noir dans le cœur. C'était Célestin, Poussière de Luxe, live session 2020. Et maintenant, on enchaîne avec une débutante aussi, on peut dire. Non, c'est The Queen, Mylène Farmer, avec Libertine, live au Stade de France 2009. On connaît ses chansons par cœur, c'est une showwoman super. Et justement, l'intérêt des lives, bah, c'est de redécouvrir les morceaux. Et là, j'ai bien aimé cette version de Libertine avec des chœurs un petit peu africanisants. C'est sympa comme tout, c'est parti. Thank you. mes infortunes, c'est l'une que j'apprends la vertu. Comme un air de grenadine, aimer c'est pleurer quand on s'incline. Je suis libertine, je suis sur une guitare. Je suis si fragile qu'on me tienne la main. Quand sur mon corps tu t'endors, tu t'enlèves un goût amer. Me rappelle que je suis au ciel. Cendre de lune, petite bulle d'écume. Perdu dans le vent, je brûle et je m'enrhume. Mon corps a peur, la peau mouillée, j'ai plus d'âme. Présent, on va passer à un de mes coups de cœur récents, Maya Nashoba, une jeune artiste très prometteuse, très talentueuse, avec un titre qui m'a vraiment emporté, et là qu'elle nous chante en live radio 2023, et ça s'appelle L'Appel du Loup. Et moi j'ai un appel aussi à faire, j'aimerais bien faire un duo avec elle, je suis sûr que ça serait top, tu vois, encore une exclue comme ça, et l'appel est lancé. Allez, Maya Nashoba, L'Appel du Loup. La solitude a hurlé, le loup a parlé. Est-ce la voix ou les mots, l'animal ou sa peau, qui a résonné dans mon cœur, chanté sans avoir peur. Seules les petites sœurs liberté d'air et loin des frères et sœurs. Mongolie, le loup hurle toutes les nuits. Dans mes oreilles je l'entends, dans mon corps vibre son chant, le son du tambour sur tous les temps. La chamane endormie enfin se comprend. La louve assoupie sort de la tanière, la louve sort du rêve paisible guerrière. Apprivoiser ma folie rude, pluriel ou singulier, double personnalité. Elle ne sait pas, elle ne sait rien, de quelle couleur sera demain. Elle se laisse vivre face au destin, ne pas savoir c'est le chemin. Ne pas savoir c'est le chemin. Libre de toute chaîne, suivre l'appel, suivre la belle, libre de toute chaîne, ivre de la race humaine, suivre l'appel, suivre la belle, libre de toute chaîne, ivre de la race humaine, suivre l'appel, suivre la belle. C'était Maya Nashoba, L'Appel du Loup, Live Radio 2023. Et on termine avec un autre grand auteur, compositeur, interprète qui n'est peut-être pas assez médiatisé, mais qui a un répertoire aussi très impressionnant que j'aime beaucoup. Romain Didier, qui a aussi beaucoup écrit et composé pour les autres. Et là, j'ai encore choisi une chanson drôle, tiens, c'est bizarre, mais... Enfin, bizarre, c'est le titre de la chanson. Maintenant, vous allez pouvoir apprécier. C'est bizarre, tu rentres de plus en plus tard et certains soirs. Bizarre, avoue que c'est bizarre, tes cheveux ont comme une odeur de cigare. Histoire, arrête tes histoires, je ne chercherai pas à savoir pourquoi t'es rose comme du buvard. Hasard, c'est peut-être le hasard, un hasard bizarre qui sort le soir. Bizarre c'est bizarre, ton histoire elle est bizarre. Comme c'est bizarre d'avoir le soir une histoire aussi bizarre. Bizarre c'est bizarre, ton regard il est bizarre. Comme c'est bizarre d'avoir le soir un regard aussi bizarre. Oh bizarre, moi je trouve ça bizarre. Qui aurait pu croire que t'aimais les bas noirs. Bizarre, avoue que c'est bizarre. Ce type en photo dans la poche de ton peignoir. Bobard, arrête tes bobards. Crains pas d'interrogatoire entre le fromage et la poire. Je me marre, doucement mais je me marre. De te sentir piégé comme un lézard. Bizarre c'est bizarre, ton histoire elle est bizarre. Comme c'est bizarre d'avoir le soir une histoire aussi bizarre. Bizarre c'est bizarre, ton regard il est bizarre. Comme c'est bizarre d'avoir le soir un regard aussi bizarre. Oh bizarre, moi je trouve ça bizarre. Je préfère passer la soirée avec Mozart. Bizarre, je suis drôlement peinard. Au milieu du lit avec un bon polar. Billard, je me paye un billard. Dans un café de Saint-Lazare, entre les filles et les clochards. Je suis drôlement vénard. Vivre avec une femme aussi bizarre. Bizarre c'est bizarre. bizarre. Ton histoire, il est bizarre. Comme c'est bizarre d'avoir le soir une histoire aussi bizarre. Bizarre, c'est bizarre. Ton regard, il est bizarre. Comme c'est bizarre d'avoir le soir un regard aussi bizarre. Eh, bizarre, c'est bizarre. Ton histoire, il est bizarre. Comme c'est bizarre d'avoir le soir une histoire aussi bizarre. Bizarre, c'est bizarre. Ton regard, il est bizarre. Comme c'est bizarre d'avoir le soir un regard aussi bizarre. Et voilà. Bon, Antoine, super cette liste pour une première. Merci. Ça te donne pas envie de faire de la radio, ça? Oh, bah, j'adorerais, ouais, je crois que j'adorerais. Après, c'est comme tout, c'est une question de temps, malheureusement. Eh, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Ton occupation te prend déjà un petit peu de temps. Oui, oui, et maintenant, ça, c'est nouveau, mais c'est à temps complet. Voilà, donc, très bien comme ça. Le temps passe vite, hein, Musique Live, hein, on te remercie beaucoup pour ta venue, mais on va pas se quitter comme ça. On va tout de suite écouter une deuxième chanson en live de tes derniers concerts à la Foucotte. Alors, ça s'appelle Trouble. Mm-hmm. C'est parti. enfin au clair, je n'ai trouvé que chimère. J'ai repris mon itinéraire, mais en eau trouble, trouble. Eh bien voilà, trouble d'Antoine HLT. Antoine, on te remercie vraiment beaucoup pour ta venue sur le, dans le studio. Et merci à toi pour l'invitation. Bon, on te souhaite quoi, que des bonnes choses. Je prends. voilà, la réussite de ton nouvel album. Plein de concerts à venir. Oui, tout reste et puis, à faire. Hein. Oui, c'est le début le plus dur. Oh non, toutes les étapes sont agréables quelque part. C'est compliqué, mais. C'est compliqué, mais agréable quand on envie, ou agréable, mais compliqué, ouais, ça dépend comment on le prend. Il y a toujours les deux selon les jours et les moments. Ok, bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu passer à Musique Live. Avant de nous quitter, parce que c'est l'heure, hein, le temps tourne, je voulais vous donner trois dates de concert à venir dans la région. Il y a Jumbo Taylor et son trio qui viennent à l'autre canal à Nancy le 4 décembre. Il y a l'Anomalie avec M, donc Anomalie. Hein, donc avec des musiciens maliens, le 12 décembre au Galaxy d'Amnéville, et Laurent Voulzy qui vient le 13 décembre au Casino de Mandorf au Luxembourg. Voilà, l'année va se terminer tranquille dans la région au niveau des concerts, mais je vais déjà vous annoncer très prochainement des concerts pour l'année 2026 qui vont être marquants. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les actus sur le groupe Facebook de l'émission, Musique Live by You on Fadjet, vous connaissez, ainsi qu'évidemment le podcast de l'émission que vous trouverez aussi sur fadjet.net, la rubrique Musique Live. Voilà, ça y est les amis, cette fois-ci, Musique Live est terminée pour ce soir. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission avec encore une autre surprise. Ce sera donc le dernier mercredi du mois de novembre à 20h. D'ici là, profitez bien des programmes de Fadjet. Prenez soin de vous. Allez au concert surtout. Et belle fin de soirée à vous. La bise. Ciao.